C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les 3 Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Table ronde aujourd'hui sur la bombe qui est sortie hier matin. Thierry Henry est le nouvel entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Mettons qu'on ne l'a pas vu venir beaucoup. Et Benoît Lavoie qui l'avait vu venir un petit peu. On en parle avec nos deux collaborateurs. D'abord, Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, le collaborateur régulier. Salut Benoît. Salut Danny, salut M. Gounel. Et Jean Gounel du Réseau des Sports. Bonjour M. Gounel. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Benoît, tu l'avais vu venir? Je l'avais pris sur le web, là, tu sais, je veux dire, un candidat potentiel, oui, mais à cause de la Belgique, à quelque chose, mais j'avais, puis à un moment donné, ouais, je l'ai vu, je sais pas si M. Détouche, là, qui est peut-être annoncé, là, mais je les gars d'RDS ont dû en parler aussi, là, je suis sûr que tu vas en parler, M. Gounel, il va te le dire, mais ça, c'est comme ça que je l'ai vu un peu. Monsieur Jean, est-ce que c'est, écoute, il faut pas, oui, on est tous excités, et avec raison, ça soit dit en passant, parce que moi, je pense que c'est une belle acquisition pour le recrutement et ainsi de suite. Par contre, c'est pas garanti de succès, parce que Thierry Henry à Monaco, ça n'a pas été un succès. Et le fait également que ça ne veut pas dire nécessairement que tu es un grand joueur, que tu peux être un grand entraîneur aussi. Là. Non, on va pas, c'est sûr que tout le monde revient un peu sur cette histoire à Monaco. Je voudrais qu'on la remette un peu dans un contexte, hein. C'est qu'il est arrivé à Monaco qui était vraiment en crise, une équipe qui avait perdu quasiment tous ses meilleurs joueurs après son super parcours en Ligue des Champions, qui était elle-même dans qui était en position de, quoi, 18e au classement, pratiquement. Bon, relégable même, et on lui demande de rattraper tout ça d'un seul coup, alors qu'effectivement, il n'a pas vraiment d'expérience à ce moment-là, et de sauver les meubles, alors qu'il n'avait pas vraiment les outils pour le faire. Donc, cette expérience-là, faut la prendre vraiment dans un certain contexte, et pas l'utiliser simplement comme base. Maintenant, c'est vrai que on attend un petit peu de voir ce que Thierry Henry va être capable de faire. OK. Benoît, est-ce que tu penses que Thierry Henry, le fait que ça fait 4 ans qu'il a joué avec les Red Bull de New York, mais la MLS va tellement vite, il y a tellement eu de changements au fil des ans, ça peut être un avantage où le choix des entraîneurs adjoints vont être primordial? Moi, j'ai très confiance, puis je n'en reviens pas encore du buzz qu'on a eu hier, puis tu sais, juste faire une petite parenthèse, hein, nos radios régionales qui soudainement en parlent, tu sais, ils en ont parlé plusieurs fois dans la journée, parce qu'on jamais on parle de l'Impact, et l'Impact joue la veille, on n'entend presque pas parler, mais moi je suis content de voir ça, puis je suis branché Henry depuis hier, je suis en train d'écouter un YouTube d'une heure, un reportage sur l'énigme Thierry Henry fait par l'équipe, c'est vraiment intéressant, ça nous permet de voir un peu le personnage, c'est un personnage quand même, et puis je te dirais que j'ai confiance, puis je pense que Patrice Bernier va pouvoir être là aussi comme adjoint. Je souhaite, je l'espère, quand on connaît le contexte qu'ils ont eu ensemble en MLS, le fait que Thierry Henry a dit a fait des éloges de Patrice Bernier comme joueur au milieu de terrain. Là, je pense qu'on va voir Patrice dans le décor de l'Impact. OK. M. Gounel, est-ce que le fait que moi, c'est surtout ça que je vois de positif, l'arrivée de Thierry Henry, ça met l'impact sur la planète foot? On en a parlé partout dans le monde hier. Est-ce que vous pensez que, peut-être pas au mercato de l'hiver, parce que le mercato d'hiver, c'est pas trop là qui se passe des grosses affaires, mais le mercato de l'été prochain, on pourra voir arriver une grosse vedette internationale? Wow! Il faut mettre, là aussi, un petit peu... On va... On va voir. Première chose, Henry colle bien, je pense, avec l'Impact, parce que dans le profil d'entraîneur, il fallait quelqu'un, bon, qui soit un petit peu au fait de ce qui se passe ici, qui parle français, hein, ouais. C'est clair, anglais, Thierry Henry parle couramment, qui connaissent le fonctionnement de la MLS. Ouais, ça bouge vite, mais le fonctionnement reste sensiblement le même. Il faut vraiment quelqu'un qui soit à même de connaître un petit peu la complexité du système, d'autant qu'on vient de nommer un directeur sportif qui, lui, n'est pas quelqu'un de la MLS, qui ne connaît pas la MLS. Il faut que dans le système, il y ait quelqu'un qui connaisse ça et que surtout, on n'ait pas un entraîneur qui vienne et qui, au bout de 2 mois, vienne nous dire « Ah oui, mais les voyages, ah oui, mais les terrains, etc. » Non, ça, c'est terminé, ce genre d'excuses-là. Donc, dans ce cas-là, et ça, c'est quelque chose qu'on a répété, Henri coche beaucoup de bonnes cases, beaucoup de points positifs qu'on recherchait chez un entraîneur. Maintenant, au niveau de l'effectif, je pense pas qu'on s'attende à de gros mouvements parce qu'il il va être tenu par un certain nombre de choses, en particulier par l'argent à dépenser, hein, et puis il faut voir que Thierry Henry c'est pas donné non plus comme entraîneur. Donc c'est sûr que durant l'hiver, moi je m'attends pas à de gros changements. Non. Ensuite, je pense qu'il y aura des dossiers à négocier, en commençant par le dossier Nacho Piatti, oui. Qu'il faudra voir ce qu'on va faire avec lui, et dépendamment de ce qui va se passer avec lui, peut-être qu'évidemment ça peut ouvrir la porte à d'autres arrivées. Et c'est sûr que Thierry Henry à Montréal, c'est quelqu'un qui va intéresser d'autres joueurs et des joueurs de pedigree qui vont dire pourquoi pas travailler avec lui, c'est certain. OK. Benoît, le cas de Piatti, c'est le premier cas qu'il faut régler chez l'Impact. Mais tu penses-tu, toi, que l'Impact... Écoute, ça n'a pas été... Par le passé, l'Impact, c'était la 7e masse salariale de la MLS. Et sur le terrain, ça ne s'est pas concrétisé comme la 7e ou ça ne s'est pas concrétisé pour une place en séries éliminatoires. Penses-tu que l'arrivée d'Henry va faire en sorte que peut-être on va mieux dépenser notre argent, on va peut-être mieux recruter? L'arrivée du directeur sportif aussi, parce que par le passé, l'Impact n'avait pas tous ces contacts-là. Ça peut faire un grand changement aussi, le directeur sportif. Bien, comme M. Gounel l'a mentionné, on a parlé de dossier à régler. Bon, c'est le dossier naturopathie, on sait que ça va être probablement le premier sur la table, mais on ne faut pas oublier Samuel Piette, là, le représentant du Québécois, notre Québécois formé ici. Donc, il est important pour nos jeunes Québécois, les espoirs d'avoir un beau contrat pour Samuel Piette. Donc, ça, c'est un dossier important aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est le marketing québécois est important. On a parlé de la planète foot. Tu as parlé de la planète foot tantôt, mais il y a la planète Québec aussi. Hein. Tu sais, le jour qu'on aura notre équipe nationale, hein, Danny, ça va être fun. Non, non. Là, je sais que je t'agace. Mais là, on parle de Samuel Piette. Puis il y a aussi le gardien. Qu'est-ce qu'on va faire avec Baya et Bush? Ouais. C'est pas Baya, c'est... Yann Desivard, il y a de quoi à faire à ce niveau-là aussi. Donc, il y a des autres joueurs. Je veux dire, Bakary Sagna, qu'est-ce qui se passe avec? Il y a plein de dossiers à régler au niveau des joueurs, là. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, moi, comment ça va se tramer tout ça, là. OK. Jean, est-ce que... moi, je vais vous dire une affaire. L'Impact, cette année, ils m'ont vraiment fait fâcher parce que quelque part, je vous écoutais hier dans ton podcast Soin de s'en foutre sur le réseau des sports, puis l'arrivée de Thierry Henry, ça règle pas tout. Oui, au niveau marketing, c'est extraordinaire. La vente de billets, on dit que depuis hier, le téléphone n'origine pas pour les ventes de billets de saison. Par contre, l'Impact, ils ont toute une job de communication à faire. Je vais vous dire une affaire, c'est pas facile en région. Travailler avec l'Impact. Puis si vous verriez comment l'Impact en région, les gens sont indifférents face à cette équipe-là. Puis on semble pas savoir du côté de l'Impact que c'est une clientèle à aller chercher. Non, c'est vrai. Et quand on parle de problèmes de communication et de présentation du club et de ce qu'il est capable d'apporter et des répercussions qu'il peut avoir, il y a un énorme travail à faire. Si tu écoutes un petit peu le podcast, c'est pas la première fois que le sujet revient sur la table. Hein. On en a parlé à plusieurs reprises. Oui, il y a un gros problème de présentation et de vente, tout simplement, du produit Impact auprès du public, en région, et même d'une certaine façon à Montréal aussi d'ailleurs. Est-ce que Thierry Henry va le régler? Parce qu'au bout du compte, c'est ça la question. Il va falloir voir parce que Drogba, il va y avoir de l'intérêt. Drogba a apporté une plus-value tout de suite, qui s'est senti sur le terrain dès son premier match et qui est venu naturellement par sa présence sur le terrain. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Drogba? Il a marqué des buts, il a donné des points à l'Impact et il a fait gagner l'équipe pour qu'elle aille en série. Donc ça a été vraiment très clair. Ça a marché. Henri, c'est un entraîneur, c'est toujours quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus compliqué. Effectivement, il y a plein de dossiers à régler. Samuel Pliette, gardien, oui, il y a plusieurs joueurs dont il va falloir discuter des contrats. Il y a des décisions à prendre, et ça va dépendre aussi, je pense, en grande partie de la relation entre Thierry Henry et Olivier Renard, le directeur sportif. Parce qu'il y a deux nouveaux clubs, il y a deux nouvelles franchises qui rentrent dans la Ligue. Donc, il va y avoir un choix, un repêchage. D'expansion. Donc il va y avoir des joueurs que la direction du club et que les directeurs du club, les directeurs sportifs, Henri et Renard, vont devoir protéger, et d'autres non. Donc là, voilà, il y a des choix qui arrivent dès la semaine prochaine quasiment, et l'équipe va commencer à prendre forme à partir de ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de temps pour essayer de remonter et ramener, revendre un petit peu le produit. Alors oui, Thierry Henry va amener un intérêt, un engouement, c'est sûr. Maintenant, il va falloir que ça se traduise sur le terrain, autrement que par des belles conférences de presse, quoi. Ah, Benoît, on en a parlé souvent aussi, comment que l'impact en région, comment c'est très difficile, la communication, on semble tout le temps déranger du monde. C'est toi-même. Moi, je fais ça par passion de la culture foot dans mon coin, mais comme j'essaie d'avoir des passes, j'ai justement rencontré M. Counel une fois où ça a salué au Stade Saputo, et puis c'est sûr que difficile d'avoir un accès à l'accréditation média pour permettre un peu d'avoir du contenu dans mon espace soccer et avec les chroniques radio qu'on fait ici en région avec Michel Tifot aussi, puis toi. Fait que c'est pas facile, des fois, c'est très difficile d'avoir une accréditation, des fois, je lâche un whack au responsable et on réussit à avoir l'accréditation, mais non, il n'y a rien de simple et il y a du travail à faire encore ce côté-là, mais je veux dire, là, je vois ça positif quand même, là, tout ce qui se passe, le buzz d'hier encore, là. Jean, est-ce que c'est, comparé à Drogba, c'est-tu aussi gros, plus gros, moins gros? Si je le prends comme ça, au premier abord, je dirais que c'est moins gros. Comme tu disais, Drogba a eu un impact direct sur le club, dans la perception du club, dans la façon dont le club a eu un écho, une résonance aussi bien ici qu'à l'extérieur. Et son arrivée, c'est tout de suite. A tout de suite donné des résultats. On ne sait pas encore comment est-ce que le club va évoluer. On avait un petit peu dit la même chose quand Rémi Garde est arrivé, en disant « Ouais, on est allé chercher quelqu'un de... C'est une coach quand même au-dessus, qui a une expérience, qui va faire progresser le club. » Or, ce qu'on a vu, c'est un club qui tournait un peu en rond, qui a tourné en rond pendant 2 ans. Hein. Donc, il est certain que la façon dont un entraîneur va développer son équipe, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui ne va pas se faire facilement. Henri, c'est quelqu'un qui est un perfectionniste, hein, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à améliorer et qui a pas toujours beaucoup de patience s'il voit que ça n'avance pas. Donc il va falloir qu'il se mette aussi au goût de ce qui se passe au club et dans son équipe. Maintenant moi, je pense que ça peut que se bonifier, que l'équipe va évoluer avec lui et que, bon, certainement, à moyen terme, on va voir quelque chose qui se met en place, parce qu'il a clairement, bon, il vient, lui, d'une école formée à Monaco, mais il a passé tellement de temps avec Arsène Wenger qu'il y a de grosses idées de Wenger qu'on retrouve chez lui, en particulier dans la qualité du jeu, dans ce qu'il veut obtenir sur le terrain. Ça prend du temps, mais c'est plutôt positif. Alors, est-ce que c'est plus gros que Drogba? A priori et sur le coup, je dirais sans doute pas. Maintenant, je pense que ça peut vraiment se bonifier et devenir quelque chose de vraiment très très bien, et que par la suite, Henry soit capable de faire venir des joueurs à Montréal. C'est une grosse possibilité. Benoît, du côté de toi, c'est que t'en penses, Drogba? Parce qu'il reste pas grand-chose à Drogba. Hein. Moi, je me rappelle d'avoir fait des entrevues à l'époque Drogba. Puis je posais la question à du monde, puis je disais, est-ce que vous allez avoir des joueurs francophones? Quel va être l'héritage de Drogba? Puis trois ans, Drogba parti en 2016, il n'a pas resté grand-chose de ça. Pratiquement rien, hein. Ben, il y a peut-être des joueurs qu'on ne sait pas, qui ont passé par Drogba, qui sont là. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a ça, mais je veux dire, ça nous ramène à Drogba, la fin de l'histoire à Drogba. Ça nous ramène un peu la fin de certaines histoires. Ciment, c'est mal fini. Ça nous ramène à cette façon de faire là. C'est vrai, puis il y a d'autres joueurs, là, qu'un défenseur, je ne me souviens pas, qui avait fait des critiques contre le club, puis à un moment donné. Fait que c'est souvent ça, puis Drogba, c'est dommage. J'étais au stade, moi, le soir, que. On savait pas s'il allait revenir à Montréal et on allait jouer à Toronto. Ils ont fait un petit hommage. Le stade s'est vidé. On a fait ça après. J'ai organisé un voyage d'amis. J'ai vendu 60 billets avec des jeunes de mon école. Et on est arrivé à Montréal et on a appris que Drogba n'avait pas joué. C'est la première fois avec Biello, le dernier match de la saison. Je veux dire, c'est ça, c'est un peu. Qu'est-ce qu'il aurait laissé? Il a laissé une marque à Montréal quand même. Il a laissé sa marque, que ce soit le nom, peu importe. Il a joué à Montréal. Moi, c'est la marque que je tiens. Puis Henry, est-ce que c'est plus gros ou plus moins gros? Non, comme M. Brunel dit, mais quand tu vas voir ce qu'Henry a fait, là, il a gagné la Coupe du Monde, ce que Drogba a fait. Si on le parle là, au niveau footballeur, dans le professionnel, Drogba, il y a une histoire politique aussi à travers ça, hein, mais Henry, il a gagné plus de choses que Drogba là, au niveau collectif. Là. Fait qu'en tout cas, mais c'est intéressant de voir tout ce buzz-là dans la province de Québec ou à Montréal et où est-ce que c'est allé un petit peu partout ailleurs. Là. Jean, dernière question. Ça fait 7 entraîneurs en 7 ans, je pense, du côté de l'Impact. C'est un cimetière d'entraîneurs. C'est complètement ridicule, un peu, là. Est-ce que, mettons que ça va pas bien, puis ça tourne pas bien, est-ce que Saputo, Kevin Gilmore, va être plus patient parce que c'est le nom Thierry Henry et le fait qu'il va attirer du monde? Tu peux pas congédier Thierry Henry compte tenu que. Il va avoir un aspect marketing, l'impression là-dedans. Certainement que c'est un pari parce que c'est un gros nom, mais qui, tu le disais un peu plus tôt, qui n'a pas une grande expérience qu'entraîneur, donc qui vient ici un petit peu pour se roder. Hein. Il y a l'exemple de Patrick Vieira à New York, par exemple. Bon, il a l'avantage de connaître la Ligue, il vient pas en débarquant, je dirais que ça a peut-être été le problème avec Garde. Ensuite, oui, je suppose que si les choses ne vont pas très très bien, il y aura certainement plus de patience vis-à-vis non seulement de Henry, mais du tandem, parce que moi je crois que là il va falloir vraiment regarder comment il va fonctionner avec Olivier Renard, voir comment il va s'entourer. Et on mentionnait Patrice Bernier, c'est sûr que Patrice va certainement avoir un rôle intéressant à avoir dans ce chapitre de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? On verra bien. Je pense que là, il y aura aussi une question de résultats et de voir quel produit il va nous offrir sur le terrain. OK. Benoît, en terminant, pour parler là-dessus, donc tu es content certainement et j'ai hâte de. La suite des choses, ça va être quoi? C'est le dossier Piatti qu'il faut attendre? Ben, comme on a mentionné, là, Piatti, Piette, les défenseurs aussi, là. Rod Fanny, Sanya. Je ne suis pas tout au courant de vraiment de situation. Là. M. Gounel, je dois le savoir plus que moi là-dessus à ce niveau-là pour chacun parce qu'on serait capable d'évaluer. Je regarde aussi qu'est-ce qui se passe à Planète Foot. C'est intéressant de voir ça. J'aimerais un petit casse deux petites questions à M. Oui. Gounel avant de finir, Danny. Oui. Par rapport avec Ferrari, est-ce que vous allez voir Guy Stéphane, la première adjointe de l'équipe de France, et ma deuxième, le Canada demain ce soir contre les États-Unis, votre prédiction? Oh, c'est vrai. Wow, Guy Stéphane, c'est intéressant à mentionner. C'est une piste qui est intéressante. Je sais pas ce que je pense que lui, il a probablement aussi d'autres possibilités. Pour ce soir, Canada États-Unis. On va voir demain. Ouais. Non, ce soir. Ok. On va voir parce que ils ont montré des choses intéressantes lors du premier match entre les deux. On va voir s'ils sont capables d'amener une personnalité et de montrer quelque chose dans un environnement un peu plus compliqué. Face à une équipe qui va vouloir absolument se sortir, je suis assez confiant qu'ils sont capables de faire quelque chose. Face à une équipe qui doute un petit peu au niveau américain, c'est vraiment loin d'être de bien aller. C'est le moment et sur le vécu du premier match, je suis assez confiant que le Canada peut faire quelque chose face aux États-Unis, ouais. OK. Ben, messieurs, très intéressant. Benoît, on s'en reparle quand l'actualité du soccer va l'exiger. Monsieur Gounel, gros merci. On s'en reparle également à un certain moment donné. Salut, toujours un plaisir, Danny. Voilà, Jean Gounel de RDS et Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com.